plus à s'entendre. On n'arrive plus à se comprendre. On n'arrive plus à se comprendre. On n'arrive plus à s'entendre. On n'arrive plus à s'entendre. Parce qu'on a manqué de sincérité. Parce qu'on a déguisé la vérité. Parce qu'on n'a pas fait preuve de compassion. Parce qu'on a trop souffert du manque d'attention. Parce qu'on a manqué de sincérité. Parce qu'on a déguisé la vérité. Parce qu'on n'a pas fait preuve de compassion. Parce qu'on a trop souffert du manque d'attention. On n'arrive plus à s'entendre. C'est de ma faute, j'ai le cœur ailleurs. Mon amour a déraillé sans frayeur. Je sais bien que l'on se ment. Mais je ne sais plus si tu me manques. Depuis toujours je fous le camp. Si on me hante, on s'entend pas, c'est sûr. Tu ne comprends pas mon mal. Toi tu penses que les blessures s'effacent avec l'âge. Mais non, on ne peut pas s'entendre car tu t'obstines à m'aimer. Tandis que je peine à vivre sans saigner. Non, on s'entend pas car dans le fond on rêve d'être comme les autres. Vivre d'une mélodie fluide et sans fausse note. Mais ne vois-tu pas que finalement on ne se dit rien. On reste ensemble car sentimentalement il le faut bien. Tu n'entends pas ma souffrance ni ma haine de la routine. J'ai peur que ton amour puisse devenir une chevrotine. On s'entend pas et c'est peut-être ce que je désire. Toujours te contredire pour qu'enfin tu veuilles me parce fuir. Parce qu'on a manqué de sincérité. Parce qu'on a déguisé la vérité. Parce qu'on n'a pas fait preuve de compassion. Parce qu'on a trop souffert du manque d'attention. Parce qu'on a manqué de sincérité. Parce qu'on a déguisé la vérité. Parce qu'on n'a pas fait preuve de compassion. Parce qu'on a trop souffert du manque d'attention. On n'arrive plus à s'entendre. C'est de ma faute, je fais pas de concession. Il faut lutter pour m'arracher une confession. Je suis perdu, même moi j'arrive pas à me comprendre. C'est peut-être vrai que je donne peu alors je veux tout prendre. On s'entend pas, on se crie dessus mais on se parle pas. Et quand on se parle de toute façon on se comprend pas. On se ressemble pas, mais lequel de nous deux a triché. Parce qu'on se redécouvre comme si nous étions deux étrangers. Et finalement on a tellement peu de choses en commun. Franchement j'étouffe sous le poids de notre vie en commun. C'est pas de ta faute, la solitude est devenue ma compagne. Maintenant que j'aille elle m'accompagne. À cause d'elle, en amour, je suis trop bizarre. Je suis flou comme le brouillard, froid comme le blizzard. Gary James, est-ce que tu peux me sentir? Est-ce que tu peux essayer de comprendre ce que je peux ressentir? Tu comprends pas mon histoire, t'as beau la connaître. Tu comprends pas mon histoire. T'arrives pas à m'anticiper. T'arriveras pas à me garder car t'arrives pas à me deviner. Parce qu'on a manqué de sincérité. Parce qu'on a déguisé la vérité. Parce qu'on n'a pas fait preuve de compassion. Parce qu'on a trop souffert du manque d'attention. Parce qu'on a manqué de sincérité. Parce qu'on a déguisé la vérité. Parce qu'on n'a pas fait preuve de compassion. Parce qu'on a trop souffert du manque d'attention. On n'arrive plus à s'entendre car j'ai décidé de me battre. J'avoue j'ai délaissé ma bande pour me délecter de rap. J'ai plus beaucoup d'amis mais dans le fond c'est pas plus mal. Amitié vitale, je les aime et ils le on savent. On n'arrive plus à s'entendre, je saigne car tu m'as blessé. Tes mots ont dépassé ta pensée, c'est ce que tu me dis. Mais j'arrive pas à le croire, ton amitié tu la cries. Mais j'arrive pas à la voir, vas-y tiens. Avec les autres on s'entend pas, peut-être car je m'en sors. On envie mes scores, on envie mon or, on s'entend plus non. Car je t'ai confié un secret que j'ai appris par les autres. Que ta langue était une traître. On n'arrive plus à s'entendre dans le vacarme de l'hypocrisie. Dans la symphonie maladive de la jalousie. On ne s'entend plus car tu ne m'as pas pardonné. À part le regret, j'ai plus rien à donner. On ne s'entend pas et on ne pourra jamais s'entendre. Tu voulais que je me plombe dans mon dos, t'es venu me descendre. On s'entend pas car ma passion est sans limite. Ne comprennent que les vrais amis qui veulent que je guérisse. On n'arrive plus à se comprendre. On n'arrive plus à se comprendre. À s'entendre. Peut-être qu'un jour on finira même par se descendre. Y'a peu de tendresse entre nous, je deviens ton reflet. Nouvel ennemi, ex-refrain. On s'entend pas car toi t'avances avec aigreur. Moi je brave les épreuves laissant ma rage dans mes œuvres. On s'entend pas car tu ne sais pas qui je suis. T'as trop dû écouter les gens, t'as fait la connerie de les suivre. Sincérité, vérité, on n'arrive plus à s'entendre. Sincérité, vérité, parce que parce qu'on